Sankaliwa. Sa sa sa sa panika sa sa masangale bibele gale Sangale, gale, ewa. Bibele gale, gale, ewa. Tima, ewa. Tima, tanta, ewa. Tima, ewa. Tima, tanta, ewa. Abese bede, ewa. Bede mitumba, ewa. Abese bede, ewa. Binye kwemo, ewa. Abese bede, ewa. Binye mitumba, ewa. Masangale, gale, ewa. Waka eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah zamina mina eh eh waka eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah zamina mina eh eh waka zamina mina sangalewa anawam ah ah zamina mina eh eh waka eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah jango Django, eh, eh, zamina mina sangalewa, anawam ah ah. Zamina mina, eh eh, waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam ah ah. Django, eh eh, Django, eh eh, zamina mina sangalewa, anawam ah ah. Zamina mina, eh eh, waka eh eh, zamina mina sangalewa, anawam ah ah. Zamina mina. Waka eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah zamina mina eh eh waka eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah jango eh eh jango eh eh zamina mina sangalewa anawam ah ah Zamina mina, eh eh, waka, eh eh, zamina mina sangalewa, na wadada. Zamina mina, eh eh, waka, eh eh. Zamina mina sangalewa, anawa ah ah. Zamina mina ho ho, zamina mina eh eh, zamina mina sangalewa, anawa dada. Zamina mina eh eh, waka eh eh. Zamina mina sangalewa, anawa ah ah. Jango ho ho, jango ho ho, zamina mina sangalewa. Jango. Jango, oh, oh, zamina mina sangalewa. Zamina mina, eh, eh, waka, eh, eh. Zamina mina sangalewa, anawa, ah, ah. Jango, oh, oh, zamina mina sangalewa. Zamina mina eh eh waka waka eh eh. Zamina mina sangalewa. Anawa ah ah. Django oh oh django oh oh. Zamina mina sangalewa. Anawa dada. Waka waka eh eh. Zamina mina sangalewa. Ha ha ha. Tout le monde. Django eh eh. Waka waka eh eh. Zamina mina sangalewa. Anawa ah ah. Margarita. J'ai monté à Maroua pour chercher Margarita. J'ai descendu à Bertois pour chercher Margarita. Où est Margarita? Mais trouvez-moi Margarita. Je cherche Margarita. Trouvez-moi Margarita. J'ai descendu au Congo pour trouver Margarita. J'ai parti à Brazzaville pour chercher Margarita. J'ai traversé au Zaïre pour trouver Margarita. J'ai descendu à Guinée pour chercher Margarita. J'ai remonté à Côte d'Ivoire, m'a pas trouvé Margarita. J'ai parti à Yamoussoukro pour chercher Margarita. J'ai monté au Sénégal, m'a pas trouvé Margarita. J'ai parti à Centrafrique pour chercher Margarita. J'ai traversé à N'Djamena, m'a pas trouvé Margarita. J'ai revenu au Cameroun pour chercher Margarita. Où est Margarita? Trouvez-moi Margarita. Eh bien, je cherche Margarita. Trouvez-moi Margarita. Thank you. kanga milanga. Oye, anama moyando. Iyong ya kama matonga bomata. Kanya yamanyo, so waki mano. Oye, anama moyando. Anna mambo ya no, ah. Oh yeah, anna mambo ya no. Baba vale kanga milang. Yom ya kala majonga baba tang. Kanya yemana, so waki mano. Oh yeah, anna mambo ya no. Babele kanganda uwa. Oh yeah, anda mambo ya no. Yom ya kala majoga babeta. Kanya yemena kusu wajiba no. Oh yeah, anda mambo ya no. I'm a Zanga no me neme, oh oh. Zanga no me ding jame, de retour en voy, de over min je. Okon af tobe tam, okon e vive fort. De retour en voy, de over min je. Okon af tobe tam, etam, okon e vive fort. Okon e min je minam, o sigi jame se, a doctor oh. Maladie difficile à soigner, maladie difficile à soigner. Maladie difficile à soigner. Maladie manque de choses. Tu ne peux pas guérir. Maladie difficile à soigner.